ゴーゴーラレビューディープレスジベイ。 Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV, votre podcast hebdomadaire qui vous parle de l'actualité JV qu'il ne fallait pas manquer. Très heureux de vous retrouver cette semaine à nouveau. Je ne sais pas, je le répète encore, quand va s'arrêter cette saison 3. Je ne peux pas vous dire en ce moment. Il se passe plein de choses, vous le savez. Changement d'environnement professionnel pour moi puisque je fais du montage vidéo, donc n'oubliez pas, si vous avez besoin de montage vidéo, que ce soit pour des films pro, des films perso, etc., n'hésitez pas à me contacter. D'ailleurs, si vous suivez mon compte Twitter @revuedepressejv tout collé ou @chezbruno, hein, qui est mon compte perso, vous verrez, il y a des vidéos qui vont arriver. Voilà, des personnes m'ont fait l'honneur de me donner ma chance et donc les vidéos vont commencer à arriver. Je vous tiendrai au courant. Bref, on est là pour parler d'actualité JV, bien sûr. Il s'est passé des petites choses sympathiques cette semaine et moins sympathiques. Bah, dans le moins sympathique, c'est encore un report pour Cyberpunk 2077. C'est GamerGen, hein, qui nous parle de ça et qui nous dit que CD Projekt a effectivement annoncé un nouveau report. Le jeu est désormais attendu, nous dit le site, pour le 19 novembre de cette année, je vous rassure, hein, pas 2024, sur PS4 bien sûr, One et PC, et à une date inconnue sur Stadia, mais qui s'en soucie finalement de Stadia, ça c'est un autre sujet. Avec une telle date de sortie, nous dit donc GamerGen, les joueurs étaient donc en droit de se demander si le lancement sur Next Gen se ferait en parallèle, et autres questions du genre, notamment du côté bien sûr de la PlayStation 5. Le studio donc n'a pas tardé à répondre aux interrogations. À l'occasion, nous expliquons, d'un appel avec ses investisseurs. Et ce qu'il faut retenir, nous dit GamerGen, c'est que CD Projekt n'a pas peur de lancer son jeu à la même période que les consoles next-gen, car la transition se fera cette fois en douceur, notamment grâce à la compatibilité cross-gen permettant tout simplement une amélioration des jeux PS4 et Xbox One sur donc respectivement PS5 et Xbox Series X, et ce dès le lancement grâce à un patch. Oui, même sur PlayStation 5, ça c'est tout à fait confirmé. Tout à l'heure, nous allons parler de Pokémon. Il y a eu un événement Pokémon, mais on va en parler dans quelques minutes avec un invité spécial. J'aimerais vous parler de l'EA Play. Oui, Electronic Arts donc, a fait son petit event. Vous savez, tous ces petits événements qui popent un peu partout en remplacement de la grand-messe de l'E3. Il y a eu pas mal de petites choses, hein, de sympathiques d'annoncer. C'est le journal du Geek, hein, qui nous parle de cela et qui nous dit que la présentation de cet EA Play avait lieu, oui, rappelons-le, à 1h du matin, heure de France. Il y a eu quelques petites surprises à commencer, nous dit-on, par le portage d'Apex Legends sur Switch. Oui, vous avez bien entendu, le Battle Royale de Respawn sera non seulement disponible sur la console de Nintendo, donc ça c'est pour cet automne, mais aussi sur Steam. En bonus, il sera possible d'affronter les autres joueurs qui ont le jeu, donc Apex Legends, sur d'autres plateformes, que ce soit PC, PS4, Xbox One, etc. Ce sera donc du cross-platform, ça c'est annoncé. EA a également dévoilé, nous dit le journal du Geek, hein, de plus amples informations sur Star Wars Squadrons, hein, vous savez, son jeu de combat spatial qui en a foutu plein les mirettes, hein, le retour d'un Star Wars Squadron, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que le jeu envoie du lourd. Le titre sera disponible donc le 2 octobre sur PC, Xbox One et PS4 au petit prix entre guillemets de 40$. Il sera bien sûr possible d'y jouer en VR, en réalité virtuelle sur PC et PlayStation 4. Et donc EA a profité de l'occasion pour lever le voile sur le gameplay du jeu et c'est prometteur. Donc en gros, il y aura du solo, il y a une campagne, il y a du multi. Et roule ma poule, comme dirait l'autre. Le jeu de skate, hein, revient toujours plus en force, puisque un Skate 4 a été annoncé. Bon, le jeu est encore au début, hein, de sa phase de développement, donc il faudra patienter un petit peu. Moi, un jeu qui m'a tapé dans l'œil, c'est Lost in Random. Hein. C'est un nouveau jeu d'action-aventure qui se déroule dans un univers que ne renierait pas Tim Burton, nous dit Journal du Geek, c'est pour ça que ça m'a tapé dans l'œil. C'est un titre qui est développé par Zwink, j'espère que je le prononce bien, qui nous avait déjà offert le jeu Fee, hein, F.E., ou encore Ghost Giant, hein, donc c'est-à-dire vous dirigez un petit personnage qui a un dé avec lui, hein, et c'est le dé qui est au cœur du gameplay, vu à la troisième personne, lancer de dé, Monde à la Burton, ça fait super envie. A été dévoilé également Rocket Arena, hein, un jeu qui va aller essayer de marcher sur les plates-bandes d'Overwatch avec un système de lance-roquettes. Nous avons eu aussi, en tout cas pour les fans de Burnout Paradise, bah, une version remaster, un remaster donc, qui est arrivé sur Switch entre-temps, hein, le 19 juin. Donc là, au moment où je vous parle, au moment où vous m'écoutez surtout, c'est dispo sur Switch, bien sûr. On a eu aussi l'intarissable Joseph Fares, hein, le fondateur d'Azelite. Azelite, hein, je rappelle, le studio derrière Brothers et A Way Out, hein, toujours des jeux qui mettent en avant la coopération. Et vous le savez, Joseph Fares est un homme qui n'a pas la langue dans sa poche, qui aime bien faire le show. Et donc là, il présentait son prochain jeu, It Takes Two. Hein. Il s'agira donc d'un jeu d'aventure en coop, doté d'un système de jeu qui m'a l'air, ma foi, assez prometteur. Donc ça, vous verrez, je vous mettrai le lien de l'article, hein, du journal du Geek avec tous les trailers qui vont bien. Il y a eu du Maiden, du FIFA 21, il y a eu pas mal de petites choses. Bon, globalement, c'était quand même sympathique. C'est vrai qu'hier, on se moque toujours un petit peu, c'est pas le truc le plus passionnant de la Terre à chaque fois. Mais là, globalement, ils avaient quand même un programme qui tenait la route, il faut le dire. Mais surtout, ce qu'on retiendra d'hier, et c'est jeuxvideo.com qui fait le focus là-dessus, c'est qu'il y a 7 jeux prévus sur Nintendo Switch, jv.com, hein, voilà, mais un petit peu le focus là-dessus, puisque Burnout Paradise Remaster, donc disponible là depuis quelques jours, l'arrivée donc d'Apex Legends, de FIFA 21 l'automne prochain, Lost in Random, etc. Et c'est vrai que jeuxvideo.com, à juste titre, met vraiment en avant le fait que bah, chez EA, là, on est à fond sur la Switch. Et donc, là, tout de suite, ce que nous allons faire, on va parler de Pokémon. Nous allons parler un petit peu de Pokémon, puisque la semaine dernière a eu lieu un petit event Pokémon. Alors, qui ont déçu certains fans de la franchise, mais il y avait quand même des choses intéressantes, à savoir déjà l'annonce d'un nouveau Pokémon Snap. Tous ceux qui ont connu ce jeu de Safari Pokémon sur Nintendo 64 à l'époque, et je sais qu'il y a beaucoup de fans, même parmi celles et ceux qui m'écoutent, et donc ces fans-là sont heureux donc d'apprendre qu'un nouveau Pokémon Snap est en préparation sur Nintendo Switch. Une application Pokémon Café Mix a également été présentée, ça c'est pour Switch et smartphone, avec une superbe DA d'ailleurs, c'est vraiment, le design est vraiment très joli. Alors ça, c'est un puzzle game, et une application que certains ont raillé, mais pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas le public cible, c'est Pokémon Smile, qui a pour but donc d'aider les enfants à se brosser correctement les dents, nous dit La Provence. Oui, puisque le site de La Provence a parlé de cet événement Pokémon, l'article nous dit que Pokémon Smile aidera les enfants à se brosser correctement les dents en protégeant son Pokémon favori contre des attaques de vilaines bactéries. Alors ça fait rire le public adulte, mais cette application, bien sûr, se destine aux enfants, et ça tombe bien, car il y a dans notre foyer un enfant de 10 ans, si vous suivez l'émission, je parle bien sûr de mon fils Axel, et on a essayé donc Pokémon Snap, hein, via le téléphone de sa maman, et donc ça fait 2-3 fois qu'il l'utilise, et donc je trouvais que c'était vraiment intéressant et beaucoup plus pertinent de demander la question donc à un enfant, puisque c'est vraiment à ce public que se destine cette application. Alors Axel, bonjour. Bonjour. Pas la première fois que tu interviens dans l'émission, tu avais déjà parlé de Pac-Man et un autre sujet dont j'ai oublié. Ouais, tout à fait. C'est pas la première fois que je viens ici, je fais mon retour, ça fait longtemps que je suis pas revenu dans la revue de presse JV. Eh ben écoute, c'est cool, moi ça me fait plaisir que tu participes à nouveau. Alors, Pokémon Smile, hein, Pokémon Sourire, tu l'as essayé, donc là je crois que ça fait 2 fois, ça fait 2 soirs d'affilée. Ouais, ça fait 2 soirs. Alors, déjà, est-ce que tu peux, avant de nous dire ce que t'en penses, pour celles et ceux qui nous écoutent qui ont des enfants, parce que je sais qu'il y a des enfants aussi qui écoutent l'émission avec leurs parents, est-ce que déjà tu peux rappeler un petit peu le principe, avant de donner ton avis, qu'est-ce qui se passe exactement, comment ça fonctionne, Pokémon Smile? Oui, tout à fait. Pokémon Smile, le concept est très simple. En fait, vous devriez obligatoirement avoir un téléphone, sinon vous ne pourrez pas y jouer. Bah oui, c'est pas sur Switch, pas sur... voilà. Alors, un téléphone fixe normal ou un smartphone? Bah c'est pas un téléphone fixe, c'est sûr. Faut un téléphone portable. D'accord. Donc, il faut télécharger l'application. Alors, je rappelle qu'elle est gratuite, que ce soit sur système iOS ou sur Android, donc tous les téléphones, donc c'est dispo. On télécharge ça donc sur l'App Store ou sur Google Play. Et donc, après, qu'est-ce qui se passe? Donc, déjà, il faut avoir... votre papa ou votre maman pour qu'elle vous filme avec le téléphone portable. Vous devez apparaître dans l'écran, j'explique ça aux enfants, vous devriez apparaître dans l'écran, sinon vous ne pourrez pas jouer. Puis le but en fait, c'est que le téléphone détecte le brossage de dents, et puis, quelque part dans l'écran, il y a un endroit où ça vous indique l'endroit où il faut brosser. Puis vous devez brosser à cet endroit. Des fois ça indique sur le devant des dents, des dents. Puis sur le derrière des dents, faut laver aussi. C'est très important de brosser le je sais pas quoi des dents. Ça, c'est une zone très importante. Tous les dentistes l'ont dit. Ouais, en effet. Alors, juste, j'apporte une précision. Quand tu disais qu'il faut se filmer, c'est-à-dire qu'on met le téléphone face à soi pour que la caméra, comme un peu en position selfie, sauf que là, il faut que le téléphone soit un petit peu plus reculé pour que la tête soit filmée. Et donc, pendant que tu te brosses, donc sur l'écran, il y a ta tête qui apparaît. Ouais. Ça te dit comment, ça te donne les endroits où il faut insister pour le brossage de dents. Et donc en même temps, pendant que tu brosses, tu élimines des bactéries qui sont aussi à l'écran, qui sont dessinées. Ouais. Puis à la fin de chaque brossage, de chaque game, je dis game parce qu'on se brosse. Non. À la fin de chaque game dans cette application, vous pouvez obtenir un Pokémon. Mais pour ça, il va falloir le nettoyer le plus vite possible. Vous deviez en gros brosser le plus vite possible, comme ça, tatatac, vitesse de Sonic, au moins. Et puis, si vous avez bien nettoyé le Pokémon, vous devrez lancer la Pokéball sur lui et voir si vous l'avez attrapé. Si vous l'avez attrapé, ça vous fait un nouveau personnage pour jouer avec. Voilà, donc vous pouvez collecter des personnages, tu peux faire des photos, décorer les photos, faire pas mal de choses. Moi, j'adore le look des Pokémon, ils sont dessinés de manière super... Vraiment, c'est très mignon, c'est très bien fait. Maintenant, faut voir si dans la durée, si c'est toujours intéressant de faire ça, des semaines et des semaines, voire des mois d'affilée. Mais globalement, donc, est-ce que tu trouves que c'est bien fait ? Est-ce que tu trouves que ça rend le brossage de dents plus rigolo ? Ça rend le concept méga trop fun. Est-ce que tu penses que dans quelques semaines, ça t'amusera encore ou peut-être que tu t'en lasseras au bout d'un moment ? C'est peut-être un peu trop tôt pour le dire ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Donc, on en reparlera dans quelques semaines, alors. Ouais. Alors, tu as utilisé le terme de « game ». Hein, pour Pokémon, ça c'est un terme de genre de Fortnite. Alors brièvement, parce que là pareil, c'est un jeu qui est très souvent délaissé par, on va dire, les gros sites de gamers adultes. Mais Fortnite, effectivement, je l'ai toujours défendu ici. Alors je parle pas du modèle économique, hein, qui, comme beaucoup d'autres free-to-play, y a des choses qui nous plaisent pas. Mais le jeu en lui-même, je le trouve très très bien fait. J'en ai déjà parlé. Et donc, Axel aime beaucoup jouer à Fortnite. Il y a la nouvelle, alors c'est le nouveau chapitre, parce que moi je m'y perds, tu sais, je suis un vieux. Il y a le nouveau chapitre de la nouvelle saison, le nouveau chapitre de la saison en cours qui a démarré, ou la nouvelle saison du chapitre en cours, je m'y perds, qui a démarré là, tu vas nous expliquer ça, qui a démarré là il y a quelques jours. Et j'aurais juste voulu avoir, en quelques mots, peut-être pas 3 heures, parce que je pense que ceux qui nous écoutent sont pas spécialement des fans de Fortnite, mais c'est important quand même d'en parler. Parce que c'est un événement quand même qui a rassemblé des millions de joueurs là, il y a quelques jours. Donc qu'est-ce qui s'est passé là dans Fortnite là récemment ? Depuis quelques jours, il y a eu l'événement de l'agence sur Fortnite. Et puis le plan de Midas en fait, pour ceux qui ne savent pas, Midas c'est le skin palier 100 de la saison dernière. Alors là c'est la nouvelle saison, c'est ouais. Ça ? Oui, c'est la nouvelle saison. Donc je disais, il s'est passé un événement, le plan de Midas en fait était de tout faire péter l'agence. Puis du coup, on a eu un événement incroyable, Midas a créé le tsunami et c'est ça qui a rendu la map blindée d'eau sur Fortnite. Voilà, la map s'est retrouvée recouverte d'eau. Est-ce que donc cette nouvelle saison, t'as pu y jouer un petit peu depuis ? Oui. À ton avis, quels sont les points forts et les points faibles de cette nouvelle saison ? Alors, les points forts, c'est-à-dire que ce que j'ai le beaucoup plus aimé dans cette saison, c'est qu'ils ont remis des armes sur Fortnite qu'ils avaient supprimées, telles que la carabine, le sniper à verrou, la P90, etc. D'accord, et des choses que t'as moins aimées ? Le truc dont j'étais le plus déçu de cette saison, c'est le pass de combat. D'accord, pourquoi ? Alors, parce que le pass de combat, on le rappelle, c'est à chaque nouvelle saison, il faut repayer pour avoir des... 950 V-Bucks. Voilà, des contenus exclusifs à chaque saison. Donc là, c'est les nouveaux skins, c'est ça, de personnages qui te plaisaient pas trop ? Ouais. Et j'étais surtout déçu aussi du skin du palier 100. D'accord, c'est quoi comme skin déjà ? C'est le chevalier, non, c'est ça ? Ouais, c'est la chevaleresse. D'accord, bon, Bon, globalement, de toute façon, tu continues à y jouer. Ouais. Avec, bien sûr, sans y passer non plus toutes ces journées. Donc ça, c'est très bien. Tu arrives à bien réguler tes parties. Puis aussi, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont... Il y a beaucoup de youtubeurs Fortnite qui ont beaucoup aimé cette nouvelle saison, tels que Neo The One, Jean-Fils, Nextase. Plein de youtubeurs Fortnite ont aimé cette saison. Alors, vous voyez, là, c'est le choc des... des générations, parce que quand Axel me parle de youtubeurs, je surveille toujours avant, là, c'est un petit conseil que je donne humblement, hein, que je peux donner aux parents, c'est que quand il veut regarder une chaîne YouTube, en général, voilà, ça se fait dans la même pièce, et il me donne le nom avant pour que je regarde un petit peu la ligne éditoriale, je dirais, de la chaîne YouTube. Je regarde si c'est pas trop grossier, voilà, si c'est adapté à son âge. Et là, tous ces noms de youtubeurs, moi, je les connais pas, donc c'est assez marrant. Mais en même temps, ça permet d'ouvrir un petit peu ces... je dirais ses horizons, pas rester fermé sur ses acquis. Et puis c'est important de voir un petit peu... Puis c'est surtout des youtubeurs connus en plus qui ont, par exemple, je sais pas moi, il y en a même qui ont 4 millions d'abonnés, 1 million d'abonnés. Oui, mais qu'est-ce que je te dis toujours? Quand il y a des millions d'abonnés, ça veut pas dire forcément que c'est toujours super. Mais oui, ça je le sais, je regarde juste, je vérifie si c'est bien, puis je trouve... Puis je dis mon avis, c'est pas forcément quelqu'un qui a 1 million d'abonnés que je dois aimer, ça t'es censé le savoir. Oui, je le sais, voilà. C'est toujours intéressant de voir ce qui se fait pour le plus jeune public, parce que c'est pas parce que ça nous est pas destiné qu'il faut regarder ça avec, vous voyez, un peu avec dédain. Il faut un peu se renseigner et voir un petit peu ce qui se fait. Puis c'est surtout important quand on a des enfants qui regardent ces chaînes-là, de voir un petit peu de quoi ça parle. Bon, Axel, en tout cas, je te remercie pour ton intervention. Tu reviens quand tu veux. Si tu veux parler, est-ce que tu joues beaucoup aussi à des jeux rétro, tu joues beaucoup à des jeux indés, tu joues beaucoup à des jeux plus grand public. Enfin, tu joues à beaucoup de types de jeux. Tu as une chaîne YouTube d'ailleurs qui s'appelle Axel Game Center. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. J'ai fait pas beaucoup de vidéos sur ma chaîne. Mais je vous conseille d'aller voir ma chaîne. Si ça vous intéresse, on a sorti une vidéo Mario Maker qui était sortie il y a... Bah là, au moment où on enregistre, elle est sortie aujourd'hui, là, dimanche. Il y a à peu près 3 heures. Voilà, où tu montes certains de tes niveaux de Mario Maker. Bon, Axel, merci. Puis je te dis à la prochaine, alors, du coup. Bah, c'était sympa d'être venu dans ton émission, tu sais. Bah, moi, j'adore aussi. Quand tu viens, je pense que les auditrices et les auditeurs aiment beaucoup aussi. Bon, on va passer à la suite de l'émission. Salut, Axel, à plus. À plus. On va terminer l'émission en parlant de Crash Bandicoot 4 qui a fuité, oui, listé à Taïwan. Les screens sont déjà sur le net. JV.com nous en parle, nous dit qu'une vingtaine d'années après la sortie du 3e épisode, donc un nouveau volet, semble être en approche. L'épisode s'appellerait Crash Bandicoot 4, It's About Time. Donc déjà quêtes des versions PS4 et Xbox One sont également apparues. Au vu du visuel du titre et du synopsis, nous dit le site, le scénario indique des voyages dans le temps et la présence majeure de masques quantique. A noter également que la jaquette Xbox One précise la compatibilité du jeu sur la next-gen de Microsoft. Donc, vous le savez, dans l'émission, je n'aime pas trop commenter des rumeurs, mais il s'avère que là, c'est limite gravé dans la roche. Hein, on y va tout de go. Donc, pour les fans, vous savez, c'est pas forcément ma cam, Crash Bandicoot, mais je pense que pour les fans, c'est quand même une très belle annonce. J'aimerais remercier à nouveau les patrons sur Patreon, Tonton Bernard et Gontran. Remercier les tipeurs du Tipeee. Merci pour votre soutien. Vous le savez, si vous voulez soutenir l'émission et préparer au mieux une belle saison 4, il y a un Tipeee, tipeee.com/la-revue-de-presse-jv. N'hésitez pas si vous voulez supporter mon travail. Et puis, comme je le disais, je réfléchis à de nouvelles contreparties plus affriolantes pour vous. N'hésitez pas à me faire part de vos idées là-dessus. J'ai pas eu trop de réponses, donc il faut aller. On se creuse les méninges, on se racle la soupière. Et puis, envoyez-moi des idées. J'en ai quelques-unes, mais je fais maturer dans mon esprit dangereux et malade. J'aimerais donc remercier Serum Fist, Red Sensei, Homo Pral, Bertrand Amar, Neo Calimero, Pipo Letsu, Trifon, Siwi Didju, Electro Tactics, Yvan Le Pierrot, Machin Truc 76, Garan, HXC, Lina Nounette, Pikachu HL9, Nicolas, Yvan X, Nili, Carnoct, Luterian, Aza, Sleco, Anet, Evolix, JP Madère et l'incontournable Monsieur A. Je vous remercie encore très chaleureusement pour votre soutien. Axel, est-ce que tu veux dire un petit au revoir avant que je termine l'émission ? Axel qui était l'invité VIP exceptionnel. Hein, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne YouTube. Axel Game Center, si je n'oublie pas, je mettrai le lien dans la description. Mais vous savez, je partage aussi sur le compte Twitter de la revue de presse JV. Les vidéos de mon fiston adoré. Axel, tu dis un petit bye-bye à tout le monde ? Choups ! Voilà, choups, ce sera le mot de la fin. Portez-vous bien, je vous souhaite panache et robustesse pour les jours qui arrivent. Je vous fais de gros bécos et je vous dis à tantôt. Bye bye.